Je suis arrivé par la grande porte, chauffeur en livrée et mon escorte, girl aux cheveux roux, tout en promesse qui referme les verrous de la forteresse. Qu'est-ce que je fous là? Expliquez-moi. Assurez-moi, et c'est l'enfer, je pense que je vais me plaire.